بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tout d'abord, je tiens à remercier mes frères et sœurs, tous ceux qui sont venus pour participer à ce cours, et à vous encourager dans l'apprentissage de votre religion. Le temps va se faire de plus en plus froid, Inch'Allah, et le chauffage va nous attirer de plus en plus vers les maisons, le fait de rester chez soi. Mais Inch'Allah, on se motive, on fait preuve de motivation, et on sort pour aller apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour aller apprendre cette voie qui mène au paradis. Et je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie cherchant à apprendre la science, alors Allah lui facilite par celle-ci une voie menant au paradis. Et donc on revient à notre sujet, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu durant les cours précédents que les gens du livre connaissaient, ils étaient au courant de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils connaissaient ses caractéristiques et que cela était écrit dans leur livre, dans la Torah. Et on avait dit qu'aujourd'hui on allait aborder le sujet. Ça fait 2 semaines. Le sujet du mariage, mashallah. Le sujet des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanisa un nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mashhurat al-muttafaq alayhin ihda ashrat amra'atan. Et donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont connues et dont la communauté, les musulmans sont unanimes sur le fait qu'elles sont ses épouses, elles sont au nombre de 11 femmes. Sittun min Quraysh. Et donc il y en a 6 qui viennent de Quraysh. Wa arba'u niswa aw wa arba'a niswatin ukhra min ghayri Quraysh. Hunna arabiyatun kulluhun lakin min ghayri Quraysh. Et donc il y en a 6 qui font partie de Quraysh. Puis il y en a 4 qui ne font pas partie de Quraysh. Elles sont des Arabes aussi, mais elles ne viennent pas de Quraysh. Ça nous fait combien? Ça nous fait 10. Wa wahidatun laysat min al-arab. Il y en a une qui ne fait pas partie des Arabes. Walakinnaha min bani Israël. Elle fait partie de bani Israël, des enfants d'Israël. Fa amma sittatu allati min Quraysh. En ce qui concerne les 6 qui viennent de Quraysh, alors elles sont Khadija bintu Khuwaylid. Khadija bintu Khuwaylid. Wa Aisha bintu Abi Bakr As-Siddiq, ainsi que Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, ainsi que Ummu Habiba bint Abi Sufyan, ainsi que Ummu Salama bint Abi Umayya, wa kadhalika, et aussi Sauda bint Zam'a. Et donc ça fait 6. Wa amma al-arba'atu al-arabiyyat allati lasna min Quraysh. Et en ce qui concerne les 4 Arabes, mais qui ne font pas partie de Quraysh, alors il y a Zaynab bint Jahsh et Maymouna bint al-Harith et Zaynab bint Khuzayma et Juwayriya bint al-Harith. Et donc ça nous fait 4. أما اللاتي ليست من العرب وإنما هي من بني إسرائيل فصفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير رضي الله عنهن أجمعين. Et en ce qui concerne celle qui ne fait pas partie des Arabes mais qui fait partie de Beni Israël, il y a Sophia bint Huyay ibn Akhtab qui vient de Beni Nadir, qui font partie des tribus donc de Beni Israël, et donc radiyallahu anhunna ajma'in. Voilà donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la khilaf bain al-ulama, ala anna awwal imra'atin tazawwaja biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya Khadija. Il n'y a aucune divergence parmi les savants sur le fait que la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija. Wa hiya allati lam yatazawwaj 'alayha hatta matat. Et c'est celle-ci dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris de coépouse alors qu'il était marié avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'à ce qu'elle meure. Toutes les femmes aujourd'hui, elles auraient aimé être à la place de Khadija. Toutes les femmes. Attention, Indek, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pris de co-épouse avec Khadija. Et on va aborder ce sujet, inshallah ta'ala. Wa nisa'u nabi sallallahu alayhi wa sallam, hunna ummahatul mu'minin. Et donc, les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les mères des croyants. Que signifie ce terme? Ma ma'na hadha al-kalam, hadha al-lafz. Ummahatul mu'minin ay ta'kidun fi tahrim nikahihin. Les mères des croyantes, c'est un terme qui va appuyer l'interdiction de se marier avec elles. Fa hunna ka ummahatil mu'minin. Et donc elles sont comme les mères des croyants. Ils n'ont pas le droit de se marier avec elles. Cependant, laysa fi an-nazar ilayhim wa la fi al-khalwati ma'ahum fa hadha la yajuzu fi haqqihim. Cependant, cela ne concerne pas le fait de les regarder ou alors de s'isoler avec elles comme un homme peut faire avec sa mère. Non, avec les mères des croyantes, avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis, on parle bien entendu de leur vivant. Cela n'est pas permis. Tandis que cela est permis avec la mère de chaque individu. Et donc on fait la distinction entre ces deux termes. Les mères des croyantes, quand on veut dire par là, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة قبل البعثة وكان عمره 25 سنة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est marié avec Khadija avant la prophétie alors qu'il avait 25 ans. Alors qu'il avait 25 ans. Et donc c'était combien de temps avant la prophétie? 15 ans avant la prophétie. C'était donc 15 ans avant la prophétie. Wa Khadija hiya bintu Khuwaylid bintu Asad. Et donc Khadija, c'est, on l'appelle donc Khadija bintu Khuwaylid bintu Asad, ou excusez-moi, ibn Asad ibn Abdil Izza ibn Qusay ibn Kilab. Ibn Qusay ibn Kilab. Khadija bintu Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Izza ibn Qusay ibn Kilab. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Ça ressemble à... On a déjà entendu, c'est bizarre. C'est là le Naam. Et donc Khadija yaltaqi nasabuha bi nasab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Qusay ibn Kilab. Et donc la lignée de Khadija se rencontre avec la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Qusay ibn Kilab. Et donc, ils viennent aussi donc de cette lignée. Elle vient aussi de cette lignée. Wa Khadija bintu Khuwaylid kanat qad tazawwajat qabla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min rajulin yuqalu lahu Atik ibn A'idh Al-Makhzoumi. Et Khadija, elle s'était mariée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est mariée avec un homme qu'on appelle Atiq ibn A'idh. Atiq ibn A'idh. Al-Makhzoumi. Wa qabla dhalika Abu Hala. Et avant cela, avant Atiq, elle était mariée avec Abu Hala. Wa ba'd al-ulama yakulun Atiq qabla Abu Hala ou qabla Abi Hala. Et certains savants vont dire que elle était mariée avec Atiq avant Abu Hala. Walakin ala kulli hal fa Khadija kanat qad tazawwajat bi rajulayn قبل النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc dans tous les cas, Khadija, elle s'est mariée avec deux hommes avant le prophète صلى الله عليه وسلم. Et vous êtes tous au courant de l'amour que le prophète صلى الله عليه وسلم il éprouvait et ressentait pour cette femme, Khadija. Il y a en cela une leçon pour tous. Pour tous. Et je me recommande ainsi qu'à vous d'y méditer. Accorder de l'importance à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec cette femme qui a eu deux époux avant elle. Et cette femme, comme on va le voir par la suite, qui fait partie des meilleures femmes du monde. Des meilleures femmes du monde. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة بخمس عشرة سنة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est marié avec Khadija à la Mecque 15 ans avant la prophétie. وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تبارك وتعالى برسالته وآمنت به وماتت بعد مبعثه بعشر سنين. Et donc Khadija, elle est restée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse l'honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre son message. Et elle est morte 10 ans après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire combien de temps avant la hijra? 3 ans. C'est-à-dire 3 ans avant l'émigration. فخديجة هي أول من أسلم. Et donc Khadija, c'est la première personne qui s'est convertie à l'islam. C'est la première personne qui s'est convertie à l'islam. هي أول خلق في الإسلام. أول خلق الله في الإسلام بإجماع المسلمين. Khadija, c'est la première des créatures d'Allah à s'être convertie par l'unanimité des savants, l'unanimité des musulmans. Et cela montre les mérites de cette femme. لم يتقدمها رجل ولا امرأة. Personne ne l'a précédée, ni parmi les hommes ni parmi les femmes. وكذلك هي خير نساء هي من خير نساء العالمين ومن خير نساء الجنة. Et de la même façon, Khadija, elle fait partie des meilleures femmes de l'univers et des meilleures femmes du paradis. يدل على هذا أن جبريل بلغها السلام من ربها مباشرة. Parmi les preuves, parmi les éléments qui montrent cela, il y a le fait que Jibril lui a transmis le salam de son Seigneur directement. Il lui a directement transmis le salam de son Seigneur. Le Cheikh, lorsqu'il arrive à ce passage, il n'a pas expliqué plus que cela. Alors, on regarde dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. Et donc البخاري ومسلم ils citent dans leur recueil الصحيح selon أبي هريرة رضي الله عنه qui dit que Jibril est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril, et lui dit « Oh messager d'Allah, voici Khadija qui vient à toi. Et elle a avec elle un récipient dans lequel il y a un idem. » Idem, c'est tout ce qu'on va manger avec du pain. Tout ce qu'on peut manger avec du pain s'appelle idem dans la langue arabe. Ou de la nourriture, ou de la boisson. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي. Lorsqu'elle sera venue à toi, ô Mohammed, lorsqu'elle sera venue à toi, alors transmets-lui le salam de son Seigneur et de moi. Allahu Akbar. Subhanallah. On aurait tous voulu être à sa place. Et on verra par la suite que Aïcha, elle fut jalouse de ça. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a transmis le salam à Khadija par l'intermédiaire de Jibril. Et cela montre le mérite de Khadija par rapport aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Jibril il continue en disant wa bashirha bi baytin fil jannah min qasab. Et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis, une maison construite avec de larges perles creusées. La sahaba fihi wa la nasab, une maison dans laquelle il n'y a pas de cris ni de fatigue et de difficultés. Mashallah. Une personne de son vivant à qui est annoncé le paradis. Subhanallah. Et donc cela nous montre les bienfaits et les mérites de yarhamukallah de cette femme Khadija bint Khuwaylid. Wa kadhalika, et donc comme on l'a dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris de seconde épouse, il n'a pas pris de co-épouse alors qu'il était marié avec elle. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuksiru ath-thana'a ala Khadija hatta qalat Aisha مررت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كما مررت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه بذكر لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tellement les éloges de Khadija que Aïcha radiallahu anha, elle a dit, comme dans le recueil de al-Bukhari et Muslim, Aïcha elle a dit, je n'ai ressenti de jalousie pour aucune femme concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme j'ai pu le ressentir pour Khadija. Elle est morte avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec moi. Certains savants, ils ont dit wa inna lanata'ajjab min Aisha tarar min imra'atin qad matat. Les savants disent on est surpris de Aisha qui est jalouse d'une femme qui est morte. Une femme qui est morte. Khalas, c'est bon. Elle est morte. Malgré ça, Aisha elle est jalouse. Pourquoi? Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les éloges de cette femme. Aïcha, elle a dit que Khadija, elle est morte avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec elle. Et elle dit qu'elle ressentait de la jalousie envers cette femme à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la citait souvent. Et aussi à cause du fait que Allah tabaraka wa ta'ala lui a annoncé la bonne nouvelle d'une maison en perles creusées au paradis et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il devait égorger une chèvre, alors il en donnait, donc la viande de cette chèvre, il en donnait aux personnes que Khadija, elle aimait bien. Il en distribuait en cadeau aux personnes que Khadija, elle aimait bien, jusqu'à ce que cela leur suffise. Et donc cela montre que l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éprouvait pour Aïcha, mais pour Khadija, excusez-moi, même après sa mort, il continue donc à faire preuve de bienfaisance et de bon comportement envers les gens que Khadija, elle aimait bien. Wa hadha fihi thubutul ghayra. وأنها غير مستنكرة وغير مستنكرة وقوعها من فاضلة النساء فضلا عمن دونهن. Et il y a dans cette petite histoire l'affirmation de la jalousie concernant les femmes. Aïcha qui affirme qu'elle était jalouse. Et donc, effectivement, la femme fait preuve de jalousie envers son mari. Et cela n'est pas blâmable venant des femmes nobles, venant des femmes de haut rang, comme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de même pour celles qui sont en dessous d'elles. Et donc il n'y a rien de surprenant quant au fait que la femme soit jalouse. Mais par contre, ce qui va être blâmable, ça sera la transgression. La transgression. Une femme qui va demander le divorce de sa sœur en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme dans Sahih al-Bukhari, لا تسأل المرأة طلاق أختها طلاق أختها. La femme ne demande pas le divorce de sa sœur, en islam. Et donc cela n'est pas correct. Ou alors tout ce que on peut entendre parmi les agissements de certaines par rapport à la jalousie. Par rapport à la jalousie, jusqu'à ce qu'une sœur qui enferme son mari à la maison. Et d'autres, des histoires qu'on entend, qui parviennent, des questions qu'on m'envoie par téléphone. Et donc là, on dit aux sœurs de craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce sujet. Et le pire, ce n'est pas de mal agir. Car nous pouvons tous fauter. Nous sommes tous faibles. Kullu bani Adam khatta, tous les enfants d'Adam font des fautes, des erreurs, des péchés. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Mais la chose qui est grave, c'est de transgresser et ensuite aller chercher une preuve dans la législation, dans les textes de la législation, pour montrer que mon acte était licite. Une sœur qui va transgresser et transgresser et transgresser, et ensuite qui va dire, regarde, Aïcha, elle était jalouse dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Aïcha, elle était jalouse dans Sahih al-Bukhari et Muslim. On va dire, non. Attention, il ne faut pas dépasser les limites. La jalousie, oui, mais il ne faut pas transgresser. طيب. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc Aïcha, elle ressentait de la jalousie envers les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم. ولكنها كانت تغار على خديجة أكثر لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. Et donc, elle ressentait de la jalousie envers toutes les épouses du prophète, mais plus envers Khadija à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la citait souvent. Wa ja'a fil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara Khadija marratan wa athna 'alayha. Il a été cité dans le recueil de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a cité Khadija et il a fait ses éloges. فقالت عائشة فغيرت عائشة elle a dit, alors à ce moment-là je fus prise de jalousie. فقلت ما أكثر ما تذكرها من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. Et donc عائشة elle a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, elle fut prise de jalousie. Alors elle a dit, qu'est-ce que tu la cites souvent? Tu la cites trop souvent. Une femme âgée, parmi les femmes âgées de Quraysh, Hamra Ashidqayn. Ça veut dire quoi ça? Voilà. Elle a dit, donc, avec des gencives rouges. Une femme âgée avec des gencives rouges. Elle veut dire par là que toutes ses dents sont tombées, on ne voit que ses gencives. Et certes, elle est morte il y a longtemps. Son temps est révolu. Certes, Allah t'a accordé mieux qu'elle. Allah t'a accordé mieux qu'elle. Une jeune. Fait tarayyar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tarayyar wajhu. Alors le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. Aïcha elle dit, je n'ai jamais vu son visage changer de telle sorte. Qui montre sa colère, la colère qu'il a ressentie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à cette parole de Aïcha. Et ensuite il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma abdalani Allahu azza wa jalla khayran minha. Allah ne m'a pas donné mieux qu'elle. Il a dit, Allah ne m'a pas donné mieux qu'elle. Qad amanat bi idh kafara bi an-nas. Et elle a eu la foi en moi alors que les gens ont mécru en moi. Wa saddaqat bi idh kadhabani an-nas. Et elle a cru en moi lorsque les gens m'ont démenti. Wa wasatni bi maliha. Et elle m'a réconforté avec son argent, avec ses biens. إذ حرمني الناس alors que les gens ils me l'interdisaient. ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Et Allah, il m'a accordé des enfants, il m'a accordé ses enfants à elle, alors qu'il m'a interdit les enfants des femmes. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les a cités, et ensuite on a dit Kulluhum min Khadija. Tous sont les enfants de Khadija. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit cette parole à Aïcha radiallahu anha, pour répondre à cette parole de Aïcha et pour la blâmer. وَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِ أَنَّهُ قَالَ تِلْكَ الَّتِي رُزِقْتُ حُبُّهَا. Il a été cité dans le recueil de Al-Bukhari que le prophète il a dit celle-ci c'est celle dont son amour m'a été accordé. Le fait de l'aimer. Et donc cela montre le rang de cette femme, Khadija. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا بين خديجة وعائشة أيهما أفضل. Et certes les savants ils ont divergé entre Aïcha et Khadija, laquelle est la meilleure. Ils ont divergé. فذهبت طائفة إلى أن عائشة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. Un groupe des savants ils ont vu que Aïcha c'est la meilleure des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم. وذهبت طائفة أخرى إلى أن خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a un autre groupe des savants qui voit que Khadija c'est elle la meilleure femme, la meilleure des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم. Et un troisième groupe qui font quoi? Hein? Al-Jam? Un troisième groupe طائفة توقفت. Et d'autres savants qui se sont abstenus. Allahu a'lam, qui est la meilleure d'entre Aïcha et Khadija. Wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fassala fil mas'ala. Et Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, donc on a un quatrième avis, Sheikhul Islam, qui va détailler dans le sujet. Fa qala inna Allah ikhtassa kull wahidatin minhumā bi khāṣiyyah. Et donc il a dit Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah que Allah tabaraka wa ta'ala, il a accordé à chacune d'entre elles, Aïcha et Khadija, il a accordé à chacune d'entre elles des spécificités. Fa Khadija kana ta'thiruha fi awwal al-islam wa kana tasli Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa tuthabbituhu wa tuskinuhu wa tabdhulu dunahu ma laha fa adrakat 'izzata al-islam. وَتَحَمَّلَتِ الْأَذَى فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَتْ نُصْرَتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَعْظَمِ أَوْقَاتِ الْحَاجَةِ فَلَهَا مِنَ النَّصْرَةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْبَذْلِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. Et donc, Khadija, elle a eu beaucoup d'impact au début de l'islam. Au début de l'islam, elle réconfortait et consolait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle l'aidait à se raffermir. Et elle lui accordait de l'apaisement. Allahu Akbar. Mashallah. Déjà rien que ça, subhanallah. Les caractéristiques des femmes vertueuses. Les caractéristiques des femmes vertueuses. Tu vas au travail, tu sors de chez toi, c'est pas facile. On t'embête par rapport à ta religion. C'est pas facile. Il faut que tu fasses preuve de bon comportement, de patience. Il faut que tu travailles bien aussi. Il faut que tu essaies d'appeler les gens à l'islam par le bon comportement. Tu trouves des arguments et autres. C'est pas facile. Il y en a qui vont débattre, etc., etc., etc. Tu reviens à la maison. Et alhamdulillah, tu as une femme qui t'accorde de l'apaisement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il faut que les sœurs fassent attention à cela. Le fait que parfois tu vas ressentir beaucoup de difficultés à l'extérieur de la maison. Parfois tu ressens que c'est une bataille. À peine tu montres quand ton islam que, ah non, de l'extrémisme. Non. C'est une bataille presque. Le fait de dire je suis musulman. Juste ça. Tu rentres à la maison, une autre bataille. Et donc, Khadija, radiallahu anha, elle apportait de l'apaisement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle l'aidait. Elle l'aidait dans sa tâche. Et elle dépensait pour lui de son argent. Et certes, elle a connu la période difficile de l'islam. Elle a donc patienté dans la difficulté pour Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Et donc, l'aide qu'elle a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue à un moment important, un moment capital où il y avait besoin de son aide. Et c'est pour cela que Khadija, elle a accordé son aide et ses dépenses de façon que aucune autre parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait. Puisqu'elle a fait au début de l'islam, au moment où c'était difficile. Au moment où c'était difficile. Amma Aïcha, fa kana ta'thiruha fi akhir al-islam. Aïcha, son impact, il était à la fin de l'islam, c'est-à-dire la propagation de l'islam. Fa laha min at-tafaqquh fi ad-din wa tablighihi fi al-ummah bima addat ilayhi min al-ilm ma laysa li ghayriha. Et donc Aïcha, elle a dans l'apprentissage de la religion tous les hadiths qu'elle apprenait à Aïcha. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on va étudier dans le fiqh ou autre, An Aïcha radiallahu anha. Selon Aïcha, elle a dit, Aïcha qui rapporte des hadiths dans les ablutions, la prière, le rousl, la zakat et autres. Tu ouvres un livre de fiqh ou tu ouvres un livre de hadith, va voir le nombre de fois que tu vas entendre des hadiths, des récits prophétiques rapportés par Aïcha. Parce que cette femme, elle a passé beaucoup de temps à apprendre sa religion et à transmettre à la communauté. Et donc, elle a aidé l'islam d'une façon qu'aucune des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait. Et donc, on peut constater que chacune des deux a des mérites que les autres n'ont pas. Wa hadha at-tafsil min shaykh al-islam tafsilun jayyid. Et certes, ce détail qu'a donné Cheikh al-Islam est un très bon détail. Et donc Ibn al-Qayyim, il a fait les éloges de cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Amma Cheikhuna Cheikh Arafat, faqad taba'a al-Imam al-Dhahabi wa Ibn Hajar fi tafdil Khadijah 'ala Aisha. لأن خديجة ما أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم قط والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه كلهن إلا خديجة وهي فضيلة عظيمة. Tandis qu'un autre cheikh, Arafat, celui qui a donné ces cours sur lesquels nous basons pour cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il penche plus pour l'avis de l'imam al-Dhahabi ainsi que Ibn Hajar, qui eux, ils voient que Khadija, elle est meilleure que Aïcha. Pourquoi? Parce que Khadija n'a jamais énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aujourd'hui une histoire qui montre que Aïcha, elle a énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est énervé, son visage qui a changé. Et donc, Khadija, cela ne lui est pas arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est écarté, s'est éloigné de toutes ses femmes pendant une période. Sauf Khadija. Et ça, c'est un élément qui montre les mérites de cette femme, Khadija. Walakin, الذي يظهر لي والله أعلم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية قول قوي. Cependant, ce qui est le plus apparent pour moi, et Allah est plus savant, c'est que la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est une parole qui est très forte. Une parole qui est très forte. Qui montre que chacune des deux, Aïcha et Khadija, ont toutes les deux des spécificités qui n'ont été données à aucune autre. Et donc, Khadija, elle a eu un impact très important pour le prophète et pour l'islam en début de l'islam. Et Aïcha a eu un impact très important pour le prophète et pour l'islam à la fin de l'islam. Et donc chacune des deux a énormément de mérite. Et d'ailleurs, rappelez-vous le hadith. Lamma su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ahabbi an-nas ilayhi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant la personne qu'il aime le plus, il a répondu en disant Aïcha. Il a répondu en disant Aïcha. Et donc cela montre que aussi Aïcha, elle a des mérites. Elle a de très grands mérites. Et donc voilà pourquoi, wallahu alam, je pense que l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il est plus prépondérant. Elle a eu un plus grand impact. Naam. Ce qui est voulu par la fin de l'islam, c'est-à-dire le moment où l'islam a commencé à se propager. C'est-à-dire qu'on a eu les débuts de l'islam où cette religion, elle était étrangère. Non, même parce que même après, c'est-à-dire ce qui est voulu, c'est même après la période où il y a eu les futuhat, la période où l'islam s'est propagé dans tous les pays, etc. Aïcha, elle avait un grand impact là-dessus. Par rapport aux compagnons qui venaient apprendre chez elle, même après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui venaient apprendre chez elle, apprendre les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu aussi les compagnons qui divergeaient sur plusieurs sujets concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant ses ablutions, concernant le comportement à avoir avec les épouses ou autres, ils revenaient vers qui ? Vers Aïcha. Et la semaine dernière, on a vu un cas là-dessus, sur quel sujet ? Pendant le séminaire. Ils sont revenus vers Aïcha et ensuite, Aïcha leur a conseillé d'aller voir Zeynab. Et donc, c'était pour quel sujet ? La prière surérogatoire après la Asar. La prière surérogatoire après la Asar. Est-ce qu'on peut accomplir une prière surérogatoire après la Asar ? Et donc, même les compagnons, il était connu chez eux le fait que quand on a des questions, il est important aussi de revenir vers Aïcha, voir qu'est-ce qu'elle sait de cela. Parce que Aïcha, elle connaissait beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous on va arrêter là pour aujourd'hui Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine on va continuer. Encore il y a certains points à voir avec toujours avec Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va continuer bi'iznillah jusqu'à ce que aussi on arrive au début de la prophétie. C'est un passage très très important, les débuts de la prophétie. Comment est-ce que les révélations étaient faites au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement face à cela, etc. Le comportement des gens autour de lui. On verra tout cela, inshallah ta'ala. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.